Le 4 anneaux, je le sors facilement, sans faire de crédit, je fais de la musique. Frérot, je fais des sous, sans faire de bêtises. À l'époque, tu m'as haggard. T'inquiète pas, souviens-toi, je reviendrai le jour où tu t'attendras pas et ça fera bang bang. Y'a pas de pote, je suis pas Jenny, moi. J'ai trompé ma gadi, je lui offre le dernier patio lit, gros. Sois pas choqué si tu me croises en 207. Ok, je suis matrixé, je sors jamais sans le 357. Hein. Je suis dans le bingo, je nique ma monnaie dans un bingo. Je suis à Istanbul avec le producteur de Lingo Lingo. Que passe à gringo, tu brasses des lingos. T'assumes des putes, mais ton daron il roule en Twingo. On a le Cayenne et le gros salaire à paillettes. Posé dans les loges au Bayern, au volant, gros, j'ai les palettes. Parle-nous, mais qu'on sent pas l'ex, 100 000 euros dans la mallette. Ou c'est nous qui tient les manettes. Putain de gants, calibre sur le coussin. Sikou sikou ça, comme des yakuza. Tire sur tes cousins, matrixé, côté passager. Une petite avec des faux seins. Elle a fumé la frappe et elle a toussé. Bouteille de rosé, s'il fait le mac, on va le crosser. On va l'arroser, on va le crosser. On va l'arroser. La voir ailleurs si ta femme t'adore. C'est gère, ça fait longtemps, c'est la remontada. Elle aime les sous et les gros bijoux et la ventador. Herpel, quartier sud, on va les mettre d'accord. Ça touche des queues plats comme des pochons, okay. Un gros studio dans un riad. Ça peut te mettre 100k pour un monstre, okay. Rouler des bédos dans un kyriad. Sur Spotify j'ai stream 1 milliard. Tes parents fufu ça chill ça pilla. J'ai de temps ouais pour une épave. Comme on dit assez gros tiens un cap. J'drive chaud la 45 belle V dans le Vitel. Nom de Zo le S calé dans un Sofitel. Elle pilote la 45 j'aime bien son petit tel. Elle me récup au quartier, elle me récup à Herbel. J'prépare une guerre, tes proches préparent une cagnotte litchi. Les pours c'est gros miné, on a du jaune comme Titi. Veni vidi vici, Matrix c'est dans la city. Livraison de ta gage, j'ai fait plus de passes que Rakitic. A coup de couteau, j'fais mon bénéfice sur une plaque. C'est le N301 sur l'instrument, j'mets que des claques. En bas c'est Glock, les types veulent des Glock. C'est Herbel, bande de pute, Hanan, ça te fout ma devant ton bloc. Gucci, Fendi, Christian, Dior, Céline. J'suis de la tribu quartier sud sunnite. Le soleil brille pour tout le monde, salope. Mais on n'aura pas tous le même zénith. Des envies de fêler Matrix et je me dis fais-le. L'art la rose c'est 213 et 200 000 CD. 200 meufs c'est l'eau dans le Citroën C2. C'est Marseille bébé, c'est RDLPD. A travers ma paire de 4 saisons, je te vois bien cavaler des poursuivis par 4 CZ. Dans 4 BZ j'appelle colonel en 4 saisie. Cuisine le crack maison, fini l'état de résine. Pour des suics et moi je te ramène ta commande. Y'a tout dans la commode, les codes sont dans la tête. Y'a la bague dans le bloc, le vendeur dans la part. Matrix est fait ses comptes en attendant qu'il part. Les mêmes faut les salir pour faire un bon salaire. Tous les jours à Herbel sur mon joint, je suis des bars. Je fais mes missions à pâte et je laisse rien à la part. Derrière moi, je ferme la porte, j'avance personne pour pas finir à terre. Prêt pour le casse de l'année, Marseille que dématrixé. 13011, rue d'Apinel, donne plein son canet. Moi, Toto, je suis déjà à 100. Derrière, j'entends les gyros. J'esquive l'interpellation, ça crie à ras, ça vient d'en haut. Je suis calibré dans le baisse d'un temps. J'espère goûter le goudron. La marche arrière, elle est cassée, sert plus à rien, tout est partant. J'enchaîne les sons pour faire des sons. Dis-toi, je le fais sans forcer. Encore un mort sur la Provence, je me dis, c'est rien, c'est Marseille. Que Dieu nous en préserve, ils sont tous possédés. Loin de savoir ce que je réserve, poteau, je bosse tard. J'ai passé des soirées de dingue dans les plus grands hôtels. J'suis passé des fours de la caille aux soirées, mon égard. NFT, token, crypto, metaverse, mocro, mafia, Herbel, Matrix, Frozen, triple X, boom, bazen, trafic, caution, escorte, bucaresque. On a mené la vie dure, j'ai pas besoin de mentir. Combien de couilles t'as tenu, combien de barrettes vendues. L'ambiance est devenue bizarre, dans la tête c'est tendu. Beaucoup de gras sont partis, j'connais l'histoire par cœur. Cette soirée au parking, j'te retrouve. J'inscris mon parcours, rempli de force et honneur. J'ai l'air méchant au grand cœur. J'connais plusieurs recours. J'habite en bas des 4 tours. Pour descendre dans le quart d'heure, crie à Khan, n'aie pas peur. Wesh alors, ma moule, bien ou quoi? J'suis dans le coin avec deux poteaux ou trois. Elle est matrixée, la Mendoza. Trop la boca seule, elle en sent trois. Elle en sent trois, j'cabre en 103. On est 103 et on le fera sans toi. Capri Sun sur le toit de la tour 3. Mon pote, j'pars en moonwalk sur du 1143. J'suis seul, j'suis trop matrixé. Regarde, c'est risqué. Herbel, les 4 tours. Beaucoup d'imposteurs dans les alentours. Faut que je redémarre, donc je me remémore tous ces morts que j'ai vus. Numéro d'écrou, numéro de sécu. Y'a des balles qui courent, donc des larmes qui coulent. Le cous, nous on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ok c'est doux, chez moi les jeunes sont doux, hey. Je lui ai tout mis et la capote s'est trouée. Je me fais d'écouter ma tête, grâce à elle j'ai fait le bon choix, okay. J'étais la tête c'est le bon chat, les grands me voyaient clochard. Souvent le soir, ils me voyaient pas sur une pochette. Mais t'inquiète j'ai des projets, Inch'Allah on se projette. Allumez les projecteurs, ramène les petits du secteur. En moto il les éteint, s'il paye pas c'est qu'il est con. Il sait pas qu'on est cinglé, ça rafale sur du sang. Après ça sort un single, la force nous épuisant. Moi je suis forgé comme Bizan, j'ai pas pensé bizarre. Y'a pas de secret t'es mon ami mais oh là t'es bizarre. Moi je suis forgé comme Bizan, j'ai pas pensé bizarre. Y'a pas de secret, t'es mon ami, mais oh là t'es bizarre. J'arrive ténébreux comme ta grand-mère sur un quad dans deux roues. Y'a pas que les flics qui mettent des amendes ou qui donnent des rendez-vous. Dans le noir comme les abysses, ça vend localement, mais tout le monde à l'affût. Prends-moi à boire fils, faut le bolide allemand. J'ai vu des fils de pute, faut pas que je piaffe, viens voir l'alcool mauvais. Trop de quartier, tu le quartier, ouais, encore pire pour dérover. R-E-E-L, tu braques et recèles. Vol tout ce qui démarre, une calache et deux têtes. Ça va être des sous, il est mimi, une puce remplie de futurs clients. J'ai plus qu'à trouver l'équilibre, c'est fait des trous, il est puni. J'ai commencé, je finis, prise en chasse, la caisse est volée. J'fais gaffe aux gens qui veulent se coller à son arme, tout le monde fait des guillis. Cerbel gang, déposez les armes, acceptez la peur. J'suis un prédateur, j'suis tout près de la tour, j'suis tout près du four. Qui fera le pour, qui fera le compte, qui fera les comptes, qui fera le compte. Je veux savoir c'est qui, ben c'est monde sur le Vespa. Ils ont la haine comme une info quand tu lui dis je te baisse pas. Ils parlent de nous ces fils de pute, ils nous connaissent pas. Ils parlent de nous ces fils de pute, ils nous connaissent pas. Fais pas le matrix, t'esquivera pas les balles comme Néo. Pour faire des beaux rêves, j'ai mis le 357 sous l'oreiller. Fais pousser la beuh sous les néons. Ils mettent des bâtons dans mes roues, j'ai pas encore embrayé. Je veux pas de cendrillon, non, juste un cendrier. Je suis au carré de temps plein, ici dur d'avancer sans se griller. La pute elle peut être bonne, je veux pas son nom, je veux juste son billet. Je tourne en ville jusqu'à minuit pile à 22 déjà qui. Y a plus le temps de cantarer, là je suis souffrable de Ketama. Laissez dire qu'on est taré, calé, savour comme Contona. Tout ce que je fais c'est pour la Mzadi, pour la Mifa. Là c'est AIRBUL 11ème arrondissement. Très peu de Mzé, beaucoup de Mchem, j'ai fait le tour. On voit de 1 du haut de nos 4 tours. Tarpé solitaire, tarpé solidaire, je roule et je passe à mes frères, partis ou enfermés. Appelle-moi Goldo, je débarque avec mes couilles et un couteau. On n'est pas comme ces poutos, on a commencé les couteaux, les fiesta, les puntos. Je suis gangsta, t'es costaud, wesh, cash, tcha, j'ai le 12 coups. On va te niquer ta mère. Tu fais le voyou, ouais. T'inquiète, j'ai chargé la sacoche. Voilà. Je t'attends pas l'heure, pourtant sur moi j'ai la patoche. Je passe à calage pendant que tu penses à la galoche. J'ai pas de grand frère, moi, j'ai compté que sur mes baloches. Tu rentres serein, tu repars à poil. T'es pisté par ta femme, nous on est pisté par la douane. T'as trahi la Honda, salope, ne me serre pas la poigne. Santé et bonheur. Je vais les baiser jusqu'à la moelle.